Analyse du 27 juin 2022 par Thierry Pirlo, Sharpawan. Les fiches mémotechniques de Biden. Petite analyse suite à un retour d'une amie qui se demande si les publications visant à ridiculiser Biden ne tendent pas à décrédibiliser l'ensemble. Ce n'est pas faux, sauf si les explications suivent. Si l'homme le plus puissant de la planète a besoin d'une checklist pour aller pisser, je pense que le monde a du souci à se faire. Hier, j'ai fait suivre la version humoristique de sa fiche, mais quoi qu'il en soit, elle est bien réelle. Biden a vraiment besoin d'une fiche pour savoir quoi dire et à quel moment. De deux choses l'une, Biden est sous le contrôle de l'Alliance et fait exactement ce qu'on lui dit de faire, auquel cas, ça me fait marrer et je n'y vois aucun danger, même si dans la réalité de la Constitution américaine, il est impossible qu'un président des USA avec un Alzheimer soit maintenu au pouvoir sans empêchement. Trump a d'ailleurs subi des examens médicaux pour éviter cet impeachment. Dans ce cas, et c'est celui auquel je crois, ces milliers de faits divers ridicules, dont ces fiches, ne sont qu'une partie du show afin de réveiller les foules endormies. Je verrais bien d'ailleurs Jim Carrey dans le rôle du sosie de Biden en ce moment. L'autre cas de figure est bien plus merdique, car non sous contrôle de l'Alliance. Biden a été mis en place par les bergers et les mondialistes communistes démocrates. Ils ont réalisé qu'ils se sont fourvoyés et ils font tout pour que ce dernier soit le plus crédible possible en attendant qu'il claps ou bien qu'il tienne jusqu'au midterms et qu'il soit alors remplacé par Kamala Harris, un autre transsexuel grotesque et refoulé. Dans ce cas improbable, ces tarés prennent autant de risques avec nos vies et notre planète qu'un ado attardé qui jonglerait avec 6 bouteilles de nitroglycérine. Pourquoi je pense que cette version est impossible? Tout simplement parce que gérer un Biden pour les mondialistes est tout simplement irréalisable au regard des dégâts irréparables qu'il occasionne pour le pays depuis plus d'un an. À cela s'ajoute le fait de la cote de popularité des démocrates qui montre que dans les sondages actuels, plus de 30% d'entre eux déclarent qu'ils voteraient pour Trump à 7 heures, le considérant moins dangereux que Biden. Lol. Cela reviendrait à dire que ces tarés qui réfléchissent depuis 50 ans à comment mettre le monde en dictature iraient chercher un Biden pour finaliser leur plan. Alors que Biden est un illustre inconnu des moujons et même de 40% des Américains. Et tout ça pour constater qu'ils auraient fait le mauvais choix. Négatif. Ces psychopathes ne commettent aucune erreur, sauf celle, gravissime, d'avoir sous-estimé la puissance de feu de l'Alliance et la candidature de Trump en 2015. Sans Trump, nous serions déjà à cette heure-ci en PLS. Position latérale de sécurité au milieu d'une dictature planétaire, d'une épidémie dévastatrice et d'une troisième guerre mondiale symétrique avec la Russie, et ce, grâce à Hillary Clinton. Ce n'est pas le cas. Remercions cette alliance quadripartite qui a bloqué tous ces tarés en 2016. Trump, Poutine, Xi Jinping et Modi, sans aucun pare-feu ni alliance, nous aurions déjà à subir le nouvel ordre mondial communiste 5.0 depuis mi-2021. Dans le cas où nous serions tout de même au milieu d'un conflit entre les mondialistes et l'Alliance en temps réel, les bergers ne seraient certainement pas allés chercher le dernier pédo tocard de service ayant plus de casseroles au cul que la tour d'argent à Paris, voire les magouilles d'Hunter Biden. Sauf si, c'est l'alliance qu'il a mise en place pour The Great Awakening, le grand réveil. La logique est là, CQFD. Les bergers auraient préféré mettre en place Michelle Obama suite à l'échec de Clinton pour poursuivre le plan après Trump de manière systématique. Ainsi, on aurait eu la première femme présidente, la première présidente noire, et accessoirement, le premier président travelot, appelé affectueusement Big Mike dans l'intimité. Cela aurait, par la même occasion, donné l'immunité complète à son mari dans l'Obama Gate, et ce, durant les 8 ans de sa présidence. Imparable. Toute cette histoire est incroyable, mais il faut en saisir toutes les couches et non s'arrêter à la première. Mon but n'est pas de décrédibiliser pour le plaisir, car je suis suffisamment éveillée pour pouvoir expliquer ce que j'en comprends, et je pense le faire largement et suffisamment. Le troupeau, lui, ne comprend rien, et effectivement, lorsqu'il voit ce genre d'infos, il nous prend pour des fous ou des moqueurs. Mais le troupeau n'est plus mon problème et je me concentre actuellement sur les moutons noirs. Les autres sont sur un autre chemin. Sharpawan. Thank you.